Écrivain, dramaturge, biographe, Stefan Zweig, né en 1881 à Vienne, a fui le nazisme et s'est exilé à Londres dès 1934, puis au Brésil en 1941. Il commence alors la rédaction du Monde d'hier, souvenir d'un Européen. Livre nostalgique, testament d'un monde qui n'est plus, témoignage sidéré d'un homme qui reçoit de plein fouet ce qu'il appelle l'échec de la civilisation. Stefan Zweig se suicide en 1942. Le Monde d'hier sera publié en 1944. Le Monde d'hier, journal d'un Européen, de Stefan Zweig. Extrait. Page choisie par Florence Lecor et lue par Guy Chapelier. Troisième épisode, Eros Matutinus. Au cours de nos 8 années d'école secondaire, se produisit pour chacun d'entre nous un fait des plus personnels. D'enfants de 10 ans, nous devînmes peu à peu des jeunes gens pubères de 16, 17, 18 ans, et la nature commença de réclamer ses droits. Cet éveil de la puberté paraît à présent un problème purement individuel, avec lequel chaque adolescent doit lutter pour son compte à sa manière propre, et qui, à première vue, ne paraît nullement se prêter à une discussion publique. Mais pour notre génération, cette crise étendit ses effets hors de sa sphère propre. Elle nous éveilla en même temps dans un autre sens, car elle nous apprit pour la première fois à observer avec un esprit plus critique l'univers social dans lequel nous avions été élevés et ses conventions. Les enfants et même les jeunes gens sont en général disposés tout d'abord à s'adapter respectueusement aux lois de leur milieu. Mais ils ne se soumettent aux conventions qu'on leur impose que tant qu'ils voient que les autres s'y conforment loyalement. Une seule fausseté chez ses maîtres ou chez ses parents incite inévitablement le jeune homme à observer son entourage d'un regard soupçonneux et par là même plus aigu. Nous ne fûmes pas longs à découvrir que l'école, la famille et la morale publique, toutes ces autorités auxquelles nous avions accordé jusque-là notre confiance, se montraient singulièrement peu sincères sur ce point précis de la sexualité. Et même plus, qu'elles exigeaient de nous aussi, en cette matière, le secret de la dissimulation. Tout le XIXe siècle était imbu de cette folie de croire qu'on pouvait résoudre tous les conflits par la raison, et que plus on cachait le naturel, plus on en tempérait les forces anarchiques. Si donc on n'instruisait aucunement les jeunes gens de son existence, ils oublieraient leur propre sexualité. Dans cette folie qui se flattait de tempérer en ignorant, toutes les instances s'unissaient en un boycott commun par un silence hermétique. L'école et l'église, le salon et la justice, le journal et le livre, la mode et les mœurs évitaient par principe toute allusion au problème, et la science elle-même, dont le véritable devoir serait pourtant d'aborder tous les problèmes avec la même absence de préjugés, s'associait assez honteusement à ce naturalia sunt turpia. Elle aussi capitulait sous le prétexte que traiter ce genre de sujet scabreux était indigne d'elle. Quels que soient les livres de ce temps que l'on feuillette, ouvrages philosophiques, juridiques et même médicaux, on trouvera que tous s'accordent à esquiver craintivement toute explication. Quand des savants spécialistes du droit pénal discutaient dans leurs congrès des méthodes propres à humaniser les prisons et des ravages moraux qu'engendrait la vie pénitentiaire, ils glissaient pudiquement à côté de ce qui était en fait le problème central. Et les neurologues, bien qu'ils fussent dans bien des cas parfaitement au clair sur l'étiologie de certains troubles hystériques, n'osaient pas davantage avouer ce qu'il en était. Qu'on relise chez Freud ce que Charcot lui-même, son maître vénéré, lui avait avoué à cet égard en privé. Qu'il connaissait bien la cause, mais qu'il ne l'avait jamais révélée publiquement. Or, c'est dans cet air étouffant et malsain, saturé d'effluves parfumées, que nous avons grandi. C'est cette morale du silence et de la dissimulation déloyale et antipsychologique qui a pesé sur notre jeunesse ainsi qu'un cauchemar. Et comme, par le fait de cette technique solidaire du silence, les documents exacts font défaut dans la littérature et dans l'histoire des mœurs, il ne sera pas facile de reconstituer ce qui est déjà devenu incroyable. Il reste cependant un point de départ, un témoignage qui a son éloquence. Il suffit de regarder la mode, car la mode de chaque siècle, manifestant aux yeux l'orientation de son goût, en révèle aussi involontairement la morale. Les plus naïfs des hommes d'aujourd'hui rient de ces étranges personnages d'hier comme de caricatures, de fous costumés en dépit du naturel, du confort, de l'hygiène, de la commodité. Et même à nous qui avons vu nos mères, nos tantes et nos amis dans ces robes absurdes, et qui, au temps de notre enfance, étions accoutrés d'une manière tout aussi ridicule, le fait qu'une génération entière ait pu se soumettre sans résistance à une façon aussi stupide de s'habiller semble un rêve fantastique. La mode masculine de ces hauts cols durs qu'on appelait des parricides et qui rendaient impossible tout mouvement aisé, des noires redingotes qui balançaient leurs basques, des hauts de forme qui font songer à des tuyaux de poils, excitent déjà l'hilarité. Mais combien plus encore la dame d'autrefois, avec sa mise pénible et laborieuse qui, dans chacune de ses particularités, fait violence à la nature. Serrée à mi-corps comme une guêpe par un corset de baleine, la robe enflée au-dessous de la taille en gigantesque cloche, le cou engoncé jusqu'au menton, les pieds comprimés jusqu'aux orteils, la chevelure avec ses innombrables bouclettes, ses vrises et ses tresses, érigées en tour sous un chapeau monstrueux qui se mouvait avec majesté, les mains enfoncées dans des gants, même par les plus chaudes journées d'été. Ce personnage de la dame, qui aujourd'hui appartient depuis longtemps à l'histoire, fait l'effet, malgré le parfum qui l'environnait de ses effluves, les dentelles précieuses, les ruches et les voiles, d'un être paralysé dans toute son action, d'un être infortuné, pitoyable. Plus une femme devait faire l'effet d'une dame, moins ses formes naturelles devaient être reconnaissables. Au fond, la mode, par ce principe bien évident, ne faisait que servir docilement la tendance générale de la morale de ce temps, dont le souci capital était de cacher et de dissimuler. Mais cette sage morale oubliait complètement que quand on ferme la porte au diable, il force ordinairement l'entrée par la cheminée ou une porte de derrière. Ce qui frappe aujourd'hui nos regards ingénus dans ces costumes qui prétendent désespérément cacher toute trace de peau nue ou de saine croissance, ce n'est nullement leur décence, mais au contraire la façon, provocante au point d'en être pénible, dont cette mode faisait ressortir la polarité des sexes. Tandis que le jeune homme et la jeune femme de notre temps, tous deux grands et sveltes, tous deux imberbes et portant cheveux courts, s'adaptent déjà l'un à l'autre par leur extérieur, comme des camarades, à cette époque, les sexes se différenciaient autant qu'il était possible. Les hommes arboraient de longues barbes, ou tout au moins tordaient en croc d'énormes moustaches comme attribut de loin reconnaissable de leur virilité. Et chez la femme, le corset rendait ostensible les seins, caractère distinctif de son sexe. Le sexe dit fort accusait aussi son opposition au sexe dit faible dans l'attitude qu'on réclamait de lui. L'homme énergique, chevaleresque et agressif, vis-à-vis de la femme craintive, timide et sur la défensive. Le chasseur et sa proie, au lieu de deux égaux. Cette tension peu naturelle entre les sexes, qui se manifestait dans l'aspect extérieur, devait renforcer aussi la tension intérieure entre les deux pôles, l'érotisme, de telle sorte que, par cette méthode si peu psychologique de la dissimulation et du silence, la société d'alors obtenait exactement le contraire de ce qu'elle cherchait. En effet, comme dans sa crainte et sa pruderie, elle était constamment à l'affût de ce qui aurait pu blesser les mœurs dans toutes les manifestations de la vie, dans la littérature, dans l'art, dans le vêtement. Afin d'éviter toute excitation, elle était forcée en réalité d'y penser sans cesse. Comme elle était sans répit attentive à ce qui pouvait être inconvenant, elle se trouvait dans un perpétuel état d'attention inquiète. Pour ce monde-là, les convenances semblait toujours en danger de mort, à chaque geste, à chaque parole. Peut-être comprendra-t-on encore aujourd'hui que, dans ce temps, on aurait considéré comme un crime qu'une femme mît un pantalon pour le sport ou pour le jeu. Mais comment faire comprendre la pruderie hystérique qui interdisait alors à une dame de proférer seulement le mot « pantalon » ? Il lui fallait, si elle en venait à mentionner l'existence d'un objet aussi dangereux pour les sens qu'un pantalon d'homme, choisir le terme plus innocent de « Beinkleider », les vêtements de jambes, les chausses, ou celui qu'on avait inventé tout exprès pour désigner ce dont il ne convenait pas de parler, dit « Unaussprechlichen », les inexprimables. En somme, cette pression exercée sur notre jeunesse avait fait mûrir en nous, au lieu d'une moralité supérieure, la méfiance et l'amertume à l'égard de toutes les instances de la société. Dès le premier jour de notre éveil, nous sentîmes d'instinct qu'avec son silence et sa dissimulation, cette morale déloyale voulait nous prendre quelque chose qui appartenait de plein droit à notre âge et qu'elle sacrifiait notre volonté de droiture à une convention devenue depuis longtemps mensonge. Cette morale sociale, qui d'une part présupposait l'existence de la sexualité et son assouvissement naturel dans le privé, et d'autre part ne voulait à aucun prix la reconnaître publiquement, était doublement mensongère. Car tandis qu'avec les jeunes gens elle fermait un œil, tout en clignant de l'autre pour les encourager à jeter leur gourme, comme on disait alors dans le jargon gentiment moqueur des familles, avec les femmes, elle fermait craintivement les deux yeux et se faisait aveugle. Qu'un homme éprouvât des pulsions et eût le droit de les éprouver, la convention était bien obligée de l'avouer tacitement. Mais qu'une femme eût pu pareillement y être sujette, que la création, pour l'accomplissement de ses desseins éternels, eût besoin aussi d'une polarité féminine, le reconnaître loyalement eût été offenser la notion de la sainteté de la femme. C'est pourquoi, à l'époque pré-freudienne, on admettait d'un commun accord comme un axiome qu'une femme n'éprouvait pas de désir physique tant qu'elle n'avait pas été éveillée par l'homme. Mais cela, bien entendu, n'était officiellement autorisé que dans le mariage. Cependant, comme l'air, surtout à Vienne, était infecté, même en ces temps de moralité, par de dangereux miasmes érotiques, une fille de bonne famille, depuis sa naissance jusqu'au jour où elle quitterait l'hôtel en compagnie de son mari, devait vivre dans une atmosphère parfaitement stérilisée. C'est ainsi que la société d'alors voulait la jeune fille sotte et niaise, bien élevée et sans idées, curieuse et pudique, dénuée d'assurance et de sens pratique, et, grâce à cette éducation étrangère à la vie, destinée d'emblée à être plus tard, dans le mariage, formée et conduite passivement par l'homme. La coutume semblait la protéger comme le symbole de son plus secret idéal, de la modestie féminine, de la virginité, d'une perfection extraterrestre. Mais quelle tragédie aussi, quand à 25, à 30 ans, elle n'était pas encore mariée. Car la convention réclamait impitoyablement qu'une jeune fille, même âgée de 30 ans, se maintint sans défaillance dans cet état d'inexpérience, d'absence de désir et de naïveté qui depuis longtemps ne convenait plus à son âge, et cela en considération de la famille et des mœurs. La délicate image se transformait alors le plus souvent en une dure et cruelle caricature. La jeune fille célibataire devenait une fille qui a coiffé Sainte-Catherine, puis une vieille fille, aux dépens de laquelle s'exerçait inlassablement la verve insipide des publications humoristiques. On était bien forcé, cependant, de convenir que de tels instincts sexuels existaient chez le jeune homme. Comme l'expérience enseignait qu'on ne pouvait pas empêcher les jeunes gens devenus nubiles d'exercer leur vita sexualis, on s'en tenait à ce vœu modeste qu'ils goûtassent leurs plaisirs indignes extramuros de la coutume sacrée. On était indifférent aux dangers auxquels s'exposait ainsi le jeune homme et aux sphères dans lesquelles il risquait de tomber. L'école, aussi bien que la famille, s'abstenait peureusement de l'éclaircir sur ce point. ici et là seulement, dans les dernières années, se trouvaient quelques pères prévoyants, ou comme on disait alors d'esprit éclairé, qui, dès que leur fils montrait les premiers signes d'une barbe naissante, voulaient l'aider à trouver la bonne voie. On faisait venir le médecin de famille qui, incidemment, priait le jeune homme de le suivre dans une chambre, essuyait minutieusement les verres de ses lunettes avant d'entamer une conférence sur les dangers des maladies vénériennes, et recommandait instamment au jeune homme, d'ordinaire déjà fort bien instruit par sa propre expérience, d'éviter les excès et de ne pas négliger certaines précautions. D'autres pères usaient d'un moyen encore plus singulier. Ils engageaient dans la maison une jolie servante dont la tâche était d'initier pratiquement le garçon. Car il leur paraissait préférable que le jeune homme s'acquittât de cette fâcheuse affaire sous leur propre toit. Ainsi, le décorum extérieur était sauf et le danger éliminé qu'il pût tomber entre les mains de quelques roués. Mais pour éclairer la jeunesse, une méthode demeurait résolument proscrite par toutes les instances et sous toutes ses formes, celle de la franchise et de la sincérité. Quelle possibilité s'offrait donc à un jeune homme de la bourgeoisie? Dans toutes les autres classes de la société, dans ce que l'on appelait les couches inférieures, ce problème n'en était pas un. À la campagne, le valet dormait avec une servante dès ses 17 ans, et si ses relations avaient des suites, cela n'avait aucune importance. Dans la plupart de nos villages alpestres, le nombre de bâtards dépassait de beaucoup celui des enfants légitimes. Dans le prolétariat, l'ouvrier, avant de pouvoir se marier, vivait en concubinage avec une ouvrière. Chez les juifs orthodoxes de Galicie, on procurait au garçon à peine nubile la fiancée qu'on lui avait choisie quand il avait 7 ans, et à 40, il pouvait être grand-père. Ce n'est que dans notre bonne société bourgeoise que le vrai remède, le mariage précoce, était proscrit. Parce qu'aucun père de famille n'aurait confié sa fille à un jeune homme de 20 ou 22 ans. On estimait qu'un être aussi jeune n'était pas encore assez mûr. Ici encore se dévoilait une insincérité profonde, car le calendrier bourgeois ne concordait nullement avec celui de la nature. Cette époque ne lui en offrait pas trop de possibilités. Seuls très peu de jeunes gens particulièrement riches pouvaient s'offrir le luxe d'entretenir une maîtresse, c'est-à-dire de lui procurer un logement et de satisfaire à tous ses besoins. De même, ce n'est que pour quelques-uns particulièrement heureux que se réalisait l'idéal de l'amour selon la littérature de ce temps, le seul qui pût être peint dans les romans, la liaison avec une femme mariée. Les autres se rabattaient la plupart du temps sur les demoiselles des magasins et les serveuses des brasseries, ce qui procurait peu de satisfaction intérieure. Car à cette époque antérieure à l'émancipation des femmes et à leur participation autonome à la vie publique, seules les jeunes filles de la plus pauvre origine prolétarienne disposaient d'assez d'insouciance d'une part et d'assez de liberté d'autre part pour nouer de telles relations passagères sans intention sérieuse de mariage. Et puis, il y avait encore, éventuellement, la possibilité de relation avec un de ces êtres amphibies qui étaient à moitié dans la société et à moitié hors d'elle, actrices, danseuses, artistes, les seules femmes émancipées de ce temps-là. Mais dans l'ensemble, la prostitution demeurait le fondement de la vie érotique en dehors du mariage. Elle représentait en quelque sorte la sombre voûte de la cave au-dessus de laquelle s'élevait le somptueux édifice de la société bourgeoise avec sa façade éblouissante, immaculée. La génération actuelle ne se représente plus guère l'effroyable extension de la prostitution en Europe jusqu'à la guerre mondiale. Tandis qu'aujourd'hui on rencontre aussi rarement des prostituées dans les rues des grandes villes que des voitures traînées par des chevaux sur les chaussées, les trottoirs fourmillaient à tel point de femmes vénales qu'il était plus difficile de les éviter que de les trouver. À quoi s'ajoutaient encore les innombrables maisons closes, les boîtes de nuit, les cabarets, les salles de bal avec leurs danseuses et leurs chanteuses, les bars avec leurs entraîneuses. La marchandise féminine s'offrait alors publiquement, à chaque heure et à tous les prix. Se procurer une femme pour un quart d'heure, pour une heure ou pour une nuit, coûtait aussi peu de temps de peine à un homme qu'acheter un journal ou un paquet de cigarettes. La position officielle de l'État et de sa morale en face de cette sombre affaire n'a jamais été très confortable. Du point de vue des bonnes mœurs, on n'osait pas reconnaître ouvertement à une femme le droit de se vendre. Du point de vue de l'hygiène, on ne pouvait se passer de la prostitution, car elle canalisait la gênante sexualité extra-conjugale. Les autorités cherchèrent donc à s'en tirer par une équivoque, en établissant une distinction entre la prostitution clandestine, que l'État combattait comme immorale et dangereuse, et une prostitution permise, munie d'une sorte de patente et frappée d'une taxe par l'État. Une fille qui avait décidé de devenir prostituée obtenait de la police une concession spéciale et, à titre de certificat d'autorisation, un livret personnel. En se soumettant au contrôle de la police et en se soumettant à l'obligation de passer 2 fois par semaine une visite médicale, elle avait acquis le droit de louer son corps au prix qui lui semblait convenir. Son industrie était reconnue comme une profession parmi les autres. Et c'est ici que la morale revenait à la charge. Elle n'était pas pleinement reconnue. Ainsi, par exemple, une prostituée qui avait vendu à un homme sa marchandise, c'est-à-dire son corps, ne pouvait pas porter plainte s'il refusait de payer ensuite le prix convenu. Sa réclamation devenue subitement immorale, obturpem causam, ainsi que le motive et la loi, ne trouvait pas d'appui de la part de l'autorité. C'est d'un regard sincèrement réjoui que je constate quelle prodigieuse révolution des mœurs s'est opérée au profit de la jeunesse. Combien elle a reconquis de liberté dans la vie et dans l'amour, et combien, dans cette nouvelle liberté, elle s'est assainie physiquement et moralement. Les femmes me semblent plus belles depuis qu'il leur est permis de montrer leur forme, leur port plus droit, leurs yeux plus clairs, leur conversation plus spontanée. Mais dans ce bonheur même, le plus beau bonheur me paraît être qu'elle n'a pas à mentir devant les autres, qu'elle peut être sincère envers elle-même, sincère dans ses sentiments et ses désirs naturels. Il se peut que du fait de cette insouciance avec laquelle les jeunes gens d'aujourd'hui avancent dans la vie, il leur manque quelque chose de cette vénération des choses spirituelles qui animait notre jeunesse. Il se peut que par cette facilité toute naturelle à prendre et à donner, bien des choses en amour se soient perdues pour eux, qui nous semblaient particulièrement précieuses et pleines d'attrait, bien des freins mystérieux de la pudeur et de la honte, et bien des délicatesses dans la tendresse. Peut-être même qu'ils ne soupçonnent pas du tout à quel point le frisson que donne interdiction et refus augmente secrètement la volupté. Mais tout cela me paraît peu de chose auprès de cette évolution libératrice. La jeunesse d'aujourd'hui est affranchie de la crainte et de l'oppression et jouit pleinement de ce qui nous a été refusé, du sentiment de la confiance en soi et de l'assurance intérieure. C'était Le Monde d'hier, journal d'un Européen, de Stefan Zweig. Extrait. Page choisie par Florence Lecor et lue par Guy Chapelier. Traduction, Serge Niemetz. 3e épisode, Eros Matutinus. Prise de son, Stéphane Desmond. Assistance technique et montage, Emmanuel Armingue. Mixage, Claire Levasseur. Assistante à la réalisation, Laure-Hélène Planchet. Réalisation, Étienne Vallès. Conseillère littéraire, Emmanuelle Chevrière. Le Monde d'hier, journal d'un Européen, est publié aux éditions Belfond.